Prophète Elia, akanga kifula panda 300. Nana kokyo kanga bala menanga ata des jours afamba. C'est payé pour la kabato plus de 30 kutu. Incapable à kokonane souci. Ata des jours ya prison ya pamba. Oh, allez bokuli. Alia vungule na kimwa la ba. Monango to taifi. Irana Muyamba, top model de Londres. Cédric Bernadette Mundia, colonel Mike Mikombe. Sephora, Christelle Bianchon, Regina Pembele, Costa Diomio Yamechola, Boris Enzo, Audrey Minador. Jack Pema mon amour, moto ferva me kaka, na loboko na lita mate, ata kamyo ya sespine, sala kana vola moko, basi parla na poya, na kanga mala yo Jack Pema. Na poya basamba na bulingo na ngai mimi ngana sangi otala na reto mila rockstar doll la star Willy Claude Njamu ali ya pema mama ya bana nga ninu kwidi kwa mamo nuse uko njenda kezo bozo versasi nika skote elali na mai shame koko masukali ye katika yele famgelite Banda 100% parisien. Francie Adia se songe en rêve. Oh, combien de morts, combien de blessures provoquées dans le monde de la Bolingo. Mathieu, Mathieu, Melissa, Mathieu, Machini, Mouila, Chadalov, Chinorito, ma papi, Chungé, Kassirei, Gloria Olangi. Je suis un homme.